Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 13 janvier dernier a marqué le premier anniversaire de l'intervention française au Mali sous le nom militaire d'opération Serval. Aujourd'hui, Franck Ferrand revient sur l'histoire du Mali. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le Mali hante nos journaux, mais c'est, me semble-t-il, l'exemple parfait d'une actualité sans histoire. Qui a pris la peine, depuis un an, d'évoquer les racines de ce pays, à commencer par son glorieux passé d'empire médiéval? Nous sommes là pour cela, ici, n'est-ce pas? Et comme guide dans ces aridités sahéliennes, je vous propose un de nos grands écrivains qui publie ces jours-ci « Mali au Mali » chez Stock. Éric Orsenna est avec nous cet après-midi. Et puis à la fin de l'émission, on vous répondra à la question de Mathieu, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Mathieu voudrait savoir pourquoi la semaine compte 7 jours et non pas 10, par exemple, comme dans le calendrier républicain. Eh bien, on essaiera de répondre à Mathieu. C'est vrai que la question mérite d'être posée, vous allez voir ça. En attendant, je vous propose d'aller faire un tour du côté de Tombouctou. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des milliers d'années, le Sahara, cet océan de sable, a constitué une infranchissable barrière entre l'Afrique du Nord et le reste du continent africain. Le sud et l'ouest de ce désert portent le nom de Sahel. C'est une région aride, je le disais, même aride entre toutes, où survécurent tant bien que mal durant des millénaires une poignée d'éleveurs de troupeaux, les seules terres cultivées se trouvant le long des fleuves et aux abords des points d'eau. En dépit de cette hostilité du milieu, le commerce, commerce du sel d'abord et avant tout, commerce de vivres et puis peu à peu, nous allons le voir, commerce de l'or, ce commerce s'est développé dans ce que l'on appelle aujourd'hui le Mali, à Djenné-Djenno notamment, qui vers l'an 400 de notre ère va se doter d'une importante muraille défensive. C'est déjà un très vieux centre urbain de Djenné-Djenno à l'époque, il existait à cet endroit depuis 5 ou 6 siècles. 7 royaumes vont voir le jour à une époque contemporaine de notre Charlemagne, dans le Sahel occidental. Le plus célèbre, c'est l'empire du Ghana, que l'on appelle aussi Ouagadou, et qui est fondé par un peuple mandingue, les Saracolés. Enfin, c'est un des noms qu'on leur donne, parce que l'une des difficultés pour appréhender cette histoire africaine, c'est que les noms sont différents en fonction, tout simplement, soit de la tribu, soit de l'époque, soit du roi, du point de vue duquel on se place. Les Saracolés étaient les descendants du mythique Igo Kassé Dinka, ce qui en langue mandé signifie « le gros vieil homme ». Toujours cette recherche d'une figure tutélaire, et nous verrons à quel point Éric Orsenna a repris cette thématique dans son dernier roman. L'empire du Ghana va se désagréger en 1076 sous la poussée des Berbères qui viennent islamiser toute l'Afrique occidentale. L'islam se répand dans toute la région et donne naissance, vous savez, à ces mosquées immenses de briques et de... Enfin, les briques sont faites elles-mêmes en boue séchée. Magnifique forme de ces mosquées en forme de ruche. Cette islamisation crée un très fort dynamisme dont le vecteur est le chameau, enfin ce qu'on appelle en Afrique le chameau, autant dire le dromadaire. Et disons clairement les choses, pendant très longtemps, on a fait remonter tous ces grands royaumes de l'Afrique occidentale à l'expansion musulmane, tout simplement parce que c'était les plus anciennes sources dont nous disposions. Seulement depuis un siècle, l'archéologie est venue corriger cette vision et nous savons aujourd'hui que le peuplement de cette région, que sa domestication végétale et animale, que la maîtrise métallurgique des peuples qui l'habitent sont infiniment plus anciens. Les marchandises locales, je vous l'ai dit, c'est d'abord le sel, mais aussi des marchandises manufacturées, le verre, les poteries, sont échangées contre une marchandise moins noble, des esclaves venus d'Afrique tropicale. Le bien le plus précieux, car impossible à élever en plein Sahel, c'est le cheval dont le royaume du Mali va tirer sa puissance. Les cavaliers armés du Mali vont devenir les maîtres de toute cette aire géographique. l'empire ou le royaume, là encore ça dépend des traductions, et j'ai presque envie de dire, ça dépend des arrière-pensées de celui qui écrit l'histoire. L'empire du Mali, disons, s'affirme historiquement dans la première moitié du XIIIe siècle, en 1222 précisément, avec le célèbre souverain Soundiata Keïta. Je dis célèbre, j'imagine que pour une immense majorité de nos auditeurs, c'est à peu près la première fois qu'ils entendent ce nom, mais il est célèbre dans l'histoire africaine, c'est le descendant d'un esclave de Mahomet. Tout commence lorsque Mahomet convertit son esclave Assé Bilali, nous dit Eric Orsena, il en fera le premier muezzin et c'est lui l'ancêtre de la lignée des Keïta, donc de l'empereur Soundiata. Ça c'est dans l'actuel livre, dans Mali au Mali. Et à propos de Soundiata lui-même, Eric Orsena ajoute, il dicta le pacte sacré, celui qui allait ordonner la société et confier à chaque clan sa tâche, les guerriers, les cordonniers, les marabouts et les griots. Ce texte sacré, c'est une sorte de code de Hammurabi local, c'est un peu la Magna Carta, si l'on veut, de l'Afrique. En tout cas, c'est un texte jurisprudentiel transmis par voie orale, on l'appelle la charte du Mandène. Soundiata meurt en 1255, mais le royaume du Mali lui survit largement. Il va rayonner sur tout le nord du continent, toujours grâce au sel, grâce à l'or, grâce au cuivre, aux étoffes, aussi, et il faut le souligner, grâce... On pourrait presque dire d'abord grâce à une culture très spécifique, très raffinée, une culture propre à s'exporter, si je puis ainsi m'exprimer avec une cascade d'anachronismes. L'apogée malienne ne dure cependant pas un siècle, jusqu'au règne de Mansa Moussa, dont on connaît précisément les dates, 1312-1337. Alors, je vais vous reparler de ce Moussa dans un instant, mais sachez déjà que, dès la fin de ce XIVe siècle, de puissants rivaux, appelés Songhai, vont éclipser la dynastie malienne et mettre à sac la capitale. Éphémère royaume, en somme, que celui du Mali, mais royaume fabuleux, parce qu'il possède ses belles terres fertiles le long du fleuve Niger, parce qu'il sait faire rayonner sa culture, et mieux encore que les terres fertiles est plus concret que la culture, l'or, bien entendu, parce que ce royaume contrôle les fameux terrains aurifères sur lesquels vont lorgner tant de jaloux. L'or, voilà sans doute aussi ce qui nous fascine après tant d'autres, nous autres occidentaux, et l'ultime raison peut-être des rêves que nous avons formés sur ce territoire. Car même lorsqu'il faudra s'effacer devant les Songhai, le Mali va continuer de vivre dans la mémoire de bien des peuples. Le royaume Songhai est un peu plus oriental. Vous savez, le Mali poussait jusqu'à l'océan et englobait l'actuel Sénégal, la Guinée, etc. Le royaume Songhai se recentre et grimpera dans le désert au nord vers l'actuel Maroc et à l'est vers l'actuel Niger. Plusieurs grandes villes maliennes vont survivre à ce royaume. Elles dépasseront donc largement la fin du XVe siècle. Je pense à Koumbi Salé, à Djenedjeno, Gao, forcément la mythique Tombouctou. Mais en 1591, le nouvel empire Songhai est à son tour démantelé par des troupes qui cette fois arrivent du Maroc, envoyées par le pacha Djouzer. Et ça va être le début du morcellement, le début de la décadence culturelle. Alors j'ai raconté à ce même micro, il n'y a pas très longtemps Céline, je pense que c'était il y a 2 mois peut-être, l'extraordinaire expédition du Charentais René Caillé jusqu'à Tombouctou au début du 19e siècle. Et rappelez-vous la déception de Caillé devant le spectacle d'une cité qu'il avait imaginée fabuleuse et qu'il découvrait surtout poussiéreuse, pantelante. Mais dites-vous bien qu'il arrivait au moins 5 siècles trop tard. Tombouctou, il aurait fallu la voir au moment de sa plus grande gloire, c'est-à-dire au fort du royaume du Mali, en 1300, en 1400 même encore. Un document européen, parce qu'après les historiens et géographes arabes, ce sont les historiens et géographes européens qui vont nous informer sur ces contrées encore mystérieuses, un document extraordinaire constitue peut-être la source la plus complète, en même temps que le parchemin le plus propice aux rêves. C'est ce que les spécialistes appellent le grand atlas catalan de 1373. J'y viens dans un instant. Ali tegerofoni, ya tegerofonye, mosolu tegerofolango, beka tegerofo, biye manali je dike baba ubasewa, tengoro tegerobefo. Yo leo Salif Keita sur Europe 1 avec un extrait de Tékéré. Salif Keita qui est descendant en ligne directe du fondateur du Mali. Où nous retournons avec vous, Franck oui, Ferrand. Alors avant d'aller au Mali, je préfère rester deux minutes dans le studio Coluche quand même, parce que vous riez Céline, parce que je pense qu'une grande partie de nos auditeurs ne voient pas ce qui se passe via Internet. On va leur dire. Mais Eric Orsenna est venu danser avec vous, et alors là, on avait l'impression d'un seul coup d'être dans le rythme africain. Tékéré, ça veut dire c'est le rythme, justement, c'est le mouvement. Alors, je vous parlais, moi, de notre grand atlas catalan de 1375. De quoi s'agit-il? Tout simplement de la plus belle carte de géographie du Moyen-Âge, produite par un atelier juif de Majorque aux Baléares et entrée, sans qu'on sache exactement comment, dans la bibliothèque du roi Charles V au milieu des années 1370, puisqu'elle figure à l'inventaire de 1380. C'est comme ça qu'on peut l'affirmer. Elle est toujours conservée, évidemment, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire 6 bons siècles plus tard, à la Bibliothèque nationale de France. Alors, vous avez 2 planches dont je ne sais pas si elles sont astronomiques ou astrologiques. À l'époque, on ne fait pas bien la différence. Et 4 planches topographiques, aussi bien renseignées sur la mer que sur la terre. Elles sont toutes en hauteur. Il faut imaginer ces planches, et l'une d'elles, la deuxième en partant de la gauche, couvre un très vaste champ des rives de la mer du Nord jusqu'aux berges du Niger. Voilà un irremplaçable trésor pour les historiens de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Je cite ici François-Xavier Fauvel-Aymar, qui est l'auteur d'un remarquable recueil d'histoire du Moyen-Âge africain intitulé « Le rhinocéros d'or ». Ce livre est paru chez Alma l'année dernière. Le regard, écrit-il, se porte vers la partie la plus colorée au bas de la carte. Nous sommes en Afrique. À l'ouest, un homme blanc portant le voile devant le bas du visage monte, un animal qui ne peut être qu'un dromadaire, quoique peint par un artiste qui à coup sûr n'en a jamais vu. Le chamelier est un nomade berbère. À l'est, un autre blanc vêtu d'indigo porte le turban. Il tient un cimeterre. C'est le roi d'Organa. Peut-être Ouargla en Algérie actuelle. Les regards des deux hommes convergent vers celui qui est au milieu d'eux. Il est assis sur un trône, buste de face, visage de profil. Sa peau est noire, il porte barbe et moustache taillées. Ses pieds et ses avant-bras sont nus, son ample vêtement est couleur d'or. Une couronne d'or est sur sa tête, un sceptre fleur-de-lysée dans une main, une boule d'or dans l'autre, qu'il lève comme pour l'offrir au regard du monde. Une légende accompagne l'image, elle dit en catalan « Ce seigneur noir est appelé Moussemeli, seigneur des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette partie par l'abondance de l'or qui se recueille en sa terre. Pourquoi ce souverain du Mali arbore-t-il sur l'atlas catalan une boule d'or et pourquoi est-il considéré comme tellement riche? Monsieur Fauvel-Aymar croit pouvoir apporter la réponse. On connaît ce souverain, non pas du tout par des éléments locaux, mais par ce qu'en ont dit les historiens arabes. Il a fait, ce souverain, en 1324, un pèlerinage à la Mecque, avec plusieurs grandes étapes, dont une importante au Caire. Et cette étape au Caire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a laissé pantois un certain nombre d'auteurs arabes, notamment cet Égyptien qui est cité dans le rhinocéros d'or. Je cite donc. En 1324, arriva le roi Moussa ibn Abou Bakr sur le territoire égyptien dans le but de faire le pèlerinage à la vénérable maison de Dieu et de visiter le tombeau de son prophète, spécialement glorifié et honoré. C'était un homme jeune, de couleur brune, agréable de visage et de belle allure. Il se montrait au milieu de ses soldats magnifiquement vêtus et à cheval. Sa suite était composée de plus de 10 000 de ses sujets. Il apportait des présents et des cadeaux remarquables par leur beauté, leur splendeur. On rapporte que l'étendue de son royaume est de 3 ans de marche et qu'il a sous la main 14 subordonnés, tant rois que gouverneur. C'est donc bien, plutôt que d'un royaume, d'un empire qu'il conviendrait de parler ici. C'est par ailleurs Al-Umari qui écrit « Lors de mon premier voyage au Caire et de mon séjour en cette ville, j'entendis raconter l'arrivée du sultan Moussa à l'occasion de son pèlerinage. J'ai vu des habitants du Caire qui s'enthousiasmaient à mentionner les larges dépenses qu'ils avaient vues faire par ces gens. » Finalement, disons-le clairement, une fois de plus, ce qui a frappé les contemporains de Moussa, plutôt que le raffinement de sa culture, plutôt que la délicatesse de ses mœurs, c'est bel et bien l'invraisemblable richesse dont il a fait preuve et la munificence qui reste désormais attachée à son nom. Voilà ce qu'écrit l'officier mamelouk chargé d'accompagner les délégations étrangères à la cour du sultan d'Égypte à cette époque. « Vie large, dit-il, un homme de classe, un esprit religieux. Lorsque je sortis à sa rencontre au nom du sultan Al-Malik al-Nasir, il m'accueillit de la façon la plus parfaite et me traita avec la politesse la plus exquise. Puis il offrit pour le trésor du sultan de nombreuses charges d'or brut. » En vérité, et ça c'est ce que nous raconte M. Fauvelémar, en vérité, les quantités d'or que la délégation, ces milliers de sujets qui accompagnaient le roi Moussa, les quantités d'or qui ont été déversées sur l'Égypte ont été telles que ça a contribué à la dévaluation du dinar, ce qui est considérable. C'est-à-dire qu'il y avait une monnaie d'or, le dinar, une monnaie d'argent, le dirham. Eh bien, le dirham a été réévalué considérablement pendant plusieurs décennies à cause de l'afflux d'or sur l'Égypte à cette époque. Cet homme a, nous dit-il, littéralement inondé le Caire des flots de sa générosité. Et voilà peut-être pourquoi l'on en parle encore aujourd'hui. Et voilà surtout pourquoi il est représenté sur la fameuse carte, sur l'Atlas catalan, portant cette boule d'or. Alors il semblerait que cette boule, elle ait même existé en vérité. Il y a une pépite qui est restée célèbre dans toute l'histoire de cette Afrique occidentale médiévale. Une pépite d'or du trésor royal qui pesait, semble-t-il, 20 quintars. Alors le quintar, c'est une unité arabe dont est d'ailleurs tiré notre terme quintal aujourd'hui, qui pesait à peu près 50 kilos. Cette pépite était telle qu'on l'avait trouvé à la mine, à l'état brut. On l'a considéré comme le plus précieux des trésors, comme une merveille sans prix à cause de sa rareté. Et beaucoup plus tard, c'est un roi pas très brillant qui s'appelle Marijata, roi dissipateur, nous dit la chronique, qui l'offrit à des marchands d'Égypte qui fréquentaient son pays. Il la leur vendit à vil prix, car il dépensait les richesses du royaume pour ses débauches et ses lubies. La splendeur du Mali ne pouvait pas éternellement durer. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, dans un instant. Pour la suite de votre récit, nous voyageons au Mali cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous repartons au Mali avec Alors, vous, Franck Ferrand. Évidemment, vous avez bien compris qu'après, au XVIIe, au XVIIIe siècle, les choses sont moins brillantes. Au milieu du XIXe siècle, il y a un sursaut intéressant, c'est l'histoire de ce leader. D'ailleurs, je me suis demandé à un moment si je n'allais pas vous raconter ça, et puis ça aurait été trop parcellaire, et on aurait perdu l'or du royaume du Mali. Mais il y a ce leader musulman qui va fonder sur la région un empire théocratique. L'homme en question, Oumar Tall, a étudié à l'université El-Hazar du Caire, et assez vite, il va se heurter dans ses visées à la fois théocratiques et expansionnistes. Il va se heurter aux colonisateurs français, qui de son côté progressent dès l'été 1857 par le fleuve Sénégal. L'épopée d'Oumar Tall va finir mal pour lui. On ne sait pas d'ailleurs exactement les circonstances de sa mort. C'est un mystère historique intéressant. Son fils Amadou Tall s'entendra un temps avec les Français, mais il ne pourra pas résister évidemment à cette pression coloniale qui arrive. La pénétration française au Mali depuis le Sénégal fait tomber une à une les villes, en partant de l'ouest, hein, vous avez bien compris, et on va comme ça de plus en plus à l'est. Elle se fait sous la conduite de deux grandes figures, évidemment Louis Federbe et Joseph Gallieni. Federbe avait compris que cette colonisation devait se faire depuis l'ouest et non pas depuis le nord. « Vous voulez arriver au Soudan par l'Algérie ?» disait-il, vous n'y réussirez pas. Vous vous perdrez dans les sables du Sahara et vous ne les traverserez pas. Je vous dis, il y a une dimension océanique dans ce désert. Mais si, précisait Federbe, profitant des voies naturelles qui nous sont offertes, vous vous servez du fleuve Sénégal pour gagner la route du Soudan et les rives du Niger, alors vous y créerez une colonie française qui comptera parmi les plus belles du monde. C'était assez bien vu et en gros c'est ce qui s'est passé. Alors celui qui prendra la relève, c'est Gallieni, le bien connu dont on parle beaucoup et pour cause en cette année 2014. Gallieni qui va prendre le relais à partir de 1880, il va devoir affronter les forces autochtones de Samori Touré, grande famille, grande lignée. On va y venir dans un instant, évidemment, avec Eric Orsenna, parce que ces lignées africaines jouent un rôle essentiel. Bamako est fortifié en 1883, Ségou tombe en 1890, Tombouctou en 94, Gao en 99. Bref, au tournant du siècle, toute cette région est devenue française. C'est la constitution de ce qu'on appellera le Soudan français. Le nom est officialisé en 1920 seulement. La colonie est développée notamment sur un plan agricole par le célèbre Office du Niger, sur lequel il y aurait tant à dire, et qui va investir des milliards dans l'entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, le Soudan intégrera l'Union française. Ça, c'est l'étape vers l'autonomie. En 59, c'est la Fédération du Mali. Ça, on va y venir dans un instant. Entre parenthèses, vous notez Fédération du Mali. Le nom là est réapparu. Elle est dirigée par Modibo Keïta, le grand leader nationaliste local. Personnage très intéressant. Le Mali devient indépendant le 20 juin 1960. Et on peut dire que là, ça n'est pas très original. Hein. C'est comme un très grand nombre d'États de l'Afrique occidentale française, de l'ancien empire colonial français. Ce qui s'est passé depuis, eh bien, c'est ce que je vous propose maintenant de découvrir en compagnie d'Eric Orsenna. Bonjour Eric Orsenna. Bonjour. J'ai été obligé de chausser mes bottes de 7 lieues et de survoler cette immense histoire, bien entendu. Ce qui va nous intéresser peut-être, c'est le rapport entre ces dynasties musulmanes, parce que ce sont bien des dynasties dont on parle, et l'occupant, enfin le colonisateur français, avant d'en arriver à ce que nous savons, c'est-à-dire la période la plus actuelle. Parce que évidemment, je pense qu'on aurait du mal à comprendre ce qui se passe actuellement au Mali si l'on ne sait pas tout cela. Ce qui me frappe, c'est que il y a tellement de gens qui disent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Oui. Alors regardez ce que vous venez de raconter. Avec un brio. Évidemment, pendant que nous avions nos histoires à nous, eux aussi avaient une histoire millénaire aussi riche. Première remarque. Deuxième remarque, des gens disent qu'il n'y a qu'une Afrique. Et que l'Afrique est simple. Regardez à quel point c'est compliqué. Regardez à quel point c'est divers. Regardez à quel point c'est riche. Regardez à quel point leur culture est immense et forte. Et quand vous parlez de ces dynasties, vous avez des sortes de grands pilotis temporels comme ça, qui traversent les âges. Et si on les comprend pas, on voit pas les... Ce sont les nervures, en quelque sorte. Les amitiés, oui. les réseaux de relations, les hiérarchies aussi. Parce que parmi ces gens-là, il y a des nobles. Et puis il y a des gens qui sont des esclaves. Et donc, il faut comprendre ces questions-là pour voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, comme d'habitude. Si on n'est pas au cœur de l'histoire, on ne comprend rien au présent. Merci pour la citation. Nous sommes au cœur de l'histoire, vous l'avez bien compris, avec Eric Orsenna aujourd'hui. Et si vous le voulez, vers cette Afrique compliquée, nous allons voguer avec des idées simples. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du Mali cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Eric Orsenna, de l'Académie française, auteur de Mali au Mali aux éditions Stock. Alors Eric Orsenna, nous n'allons pas évidemment revivre toute cette épopée malienne, elle est vraiment trop longue et complexe, vous le disiez. Peut-être quand même faut-il revenir sur les origines de l'indépendance de l'État, avec cette fédération du Mali qui voit le jour dans une forme de... On ne peut pas tout à fait parler de guerre civile, mais quand même, il y a déjà de la violence, en fait. Il y a deux phases de violence. Il y a d'abord parce qu'il y a une sorte d'ambition des politiques en disant ces pays sont trop petits, même s'ils sont très vastes, mais ils ne pèsent pas assez économiquement ni politiquement. Donc on va les rassembler. Donc l'idée, c'est de profiter de l'indépendance pour faire de nouveau un empire, au fond. On est en 59-60. 59-60. Et c'est le lien entre le Sénégal et le Mali. On va les retenir. On retient le mot du Mali. Et puis, voilà, au bout d'un moment, on se rend compte que au fond, il y a deux ensembles qui sont un peu différents. Et il y a déjà Léopold Sédar Senghor. Voilà. Il y a le grand Modibo Keïta qui sont là. Et ils disent, on va essayer et puis ça marche pas. Donc il y a une rupture qui va se passer, assez violente. Une attitude assez différente entre Léopold Sédar Senghor et M. Keïta, justement, qui n'ont pas la même vision de ce que doit être l'indépendance et surtout de ce que doivent être les liens avec l'ancienne métropole. Exactement, parce que déjà, il y a une sorte de volonté d'indépendance plus forte du côté du Mali que du côté du Sénégal, qui se sent un peu français. N'oublions pas qu'en 59, Léopold Sédar Senghor, qui a eu... cette formation de grammairien, puisqu'il est agrégé de grammaire. Et qui, c'est un de vos confrères à l'académie. Absolument, à l'académie, qui était normand, puisqu'il a passé la fin de sa vie en Normandie. Et donc, il y avait des liens très très forts, familiaux, alors que le Mali, c'est différent. Et de toute façon, il y a toujours une indépendance plus forte. C'est un pays, le Mali, qui est en dehors de la mer. C'est quelqu'un, c'est des nomades, quelqu'un qui s'appuie justement sur des vieilles, des vieux royaumes. Mais il y a un autre élément qui est très intéressant juste après l'indépendance. Parce que l'indépendance, donc, comme vous l'avez rappelé, c'est 1960. Et 1963, c'est une des innombrables révoltes des Touaregs. Parce qu'il y a eu toujours des révoltes Touaregs. Qui sont-ils, ces Touaregs, ces hommes bleus? Il faut peut-être les définir. Alors, ils sont aujourd'hui environ 1,5 million d'habitants. Un peu partout, dans toute cette grande zone qui va de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger, d'une partie sud de la Libye et du Mali. Il y en a environ 700 000 au Niger, il y en a 450 000 à peu près au Mali, et ils sont là depuis toujours. Et donc, c'est des nomades. C'est des nomades dont il faut rappeler qu'ils n'ont pas, et loin de là, le monopole du Sahara. Car à côté, il y a des tribus d'origine arabe, dont les Berabiches, par exemple, mais il y a aussi du côté libyen, les Toubous, il y a des Sonrailles, il y a des Peuls, donc ils sont minoritaires. Mais comme ce sont des gens extrêmement mobiles grâce aux chameaux dromadaires, et comme ils ont le goût de la bataille, ils sont un peu comme les Tchadiens, les maîtres de cet empire dont ils n'ont pas le monopole. Alors à chaque fois qu'il y a un envahisseur, ils ne sont pas contents. Et quand il y a un envahisseur qui est porteur de modernité, l'autre mot pour dire la démocratie, ils sont furieux. Oui. Parce que comme ils ne sont pas majoritaire. Évidemment, si la loi, c'est la loi du nombre, ils sont battus. Et donc, ils refusent. Donc, il y aura régulièrement des révoltes des Touaregs en 63, dans les années 70, en 90, et puis dans les années beaucoup plus proches maintenant. Difficile de faire l'unité d'un tel pays. Alors, d'un tel peuple. Alors, c'est pour ça que cette affaire malienne m'a toujours fasciné, parce que ce sont des gens tous d'immenses cultures, c'est-à-dire la culture mandingue n'est pas du tout la culture peule, qui n'est pas la culture touareg. Donc ces gens, évidemment, me fascinent. Donc comment fait-on une nation avec des gens aussi respectables tous et aussi différents? Et ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est que les conflits armés ne sont pas des conflits entre pays, mais à l'intérieur des pays. Donc la fragilité du Mali est aussi la fragilité de notre République. Donc comment vivre ensemble? Et l'immense originalité du Mali, et ce qui me l'a rendu si proche, c'est la tolérance. C'est que ces gens-là, pendant longtemps, ont réussi à vivre ensemble. Il y avait un immense personnage qui était Amadou Ampateba, qui était ce personnage, il faut lire ses mémoires, d'un enfant peu, le capitaine, tout ça, il faut lire. Il raconte ça, c'est-à-dire la tolérance. Parce qu'ils sont, entre les différentes variantes de l'islam, c'est un islam extrêmement tolérant, très, très, très nourri de savoir, à l'inverse de tous ces imbéciles que les monarchies du Golfe, souvent, ont choisi comme prédicateurs et qui donnent une caricature de l'islam. Amadou Ampateba était une vraie figure de sage, comme vous les aimez d'ailleurs. Vous avez tendance à nous parler de sage. Face à la folie du monde, c'est pas mal quand on a quelqu'un de cet ordre-là, qui était lui originaire du cœur, c'est-à-dire de la falaise de Bandiagara, là où il y a les Dogons, et c'est lui qui a cette force comme ça d'ouverture aux autres. Quand avez-vous découvert le Mali en ce qui vous concerne? J'ai découvert l'Afrique noire par une mission économique que j'avais en tant qu'étudiant juste avant ma thèse en allant au Sénégal. J'ai rencontré Léopold Sédar Senghor et très très vite j'ai pris ce train légendaire qui va de Dakar jusqu'à Bamako, qui est une sorte d'épopée en tant que telle, et j'ai découvert le Mali. Et je crois que deux forces m'ont fasciné dans le Mali. C'est d'abord la force du fleuve, parce que s'il n'y a pas de fleuve Niger, il n'y a pas de Mali. Donc c'est le fleuve qui unit les peuples et la musique. J'ai une passion pour la musique. Ça, on a pu le constater. Mais absolument. Et je ne peux pas rester immobile parce que j'ai l'impression que ce rythme-là me tisse moi-même et tisse les peuples. Et vous avez ce blues incroyable qui était avec, on en parlait, avec Ali Farka Touré. Mais il y a aussi tous ces gens qui viennent d'un peu partout, qui se réunissent à la gare de Bamako. Pourquoi ? Parce que imaginez que la société des chemins de fer maliens, qui considérait que les trains arrivaient toujours en retard, pour faire patienter les gens, avait rémunéré des musiciens pour qu'ils jouent. Et ça a été un des cœurs de la musique africaine, où tout le monde est venu, Mori Kanté, Salif Keïta, tout le monde était là, qui étaient des fonctionnaires de l'équivalent de notre SNCF. On voit ce qui, en quelque sorte, agrège toutes ces personnes. Il y a peut-être un élément aussi, c'est l'hostilité du milieu, avec ces sécheresses épouvantables qui créent, bien entendu, des famines, etc. On se rappelle du désastre de 1973, il y en a eu d'autres, évidemment. Alors, pourquoi ces gens-là ont vraiment mon respect ? C'est que ça ressemble à la mer, et ça ressemble à la montagne. On ne triche pas dans le désert, on ne triche pas à la montagne, on ne triche pas à la mer. Ça, c'est le bon côté, c'est-à-dire on est dans la frugalité, on est dans l'essentiel, d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a l'autre versant. C'est-à-dire que comme ce désert a été une barrière, mais aussi l'occasion de parcours et de trafic, et que maintenant les moyens du trafic sont de plus en plus puissants, donc le désert n'est pas du tout vide. Le désert est le lieu de tous les trafics, avec tous les moyens modernes des trafics. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des chameaux, mais il y a des 4x4. C'est le non-lieu de tous les trafics. Le non-lieu de tous les trafics. Ouais, mais un lieu extrêmement actif. C'est-à-dire, et on a longtemps quand même, comme ça, transféré des esclaves. Et vous imaginez la racine profonde de la haine entre les Noirs et puis les Touaregs, parce que une partie des Touaregs, parce que cette partie des Touaregs accompagnait les grandes méharées d'esclaves. Et pourquoi on prenait des Noirs ? Parce que les Noirs à l'époque n'étaient pas musulmans, et dans l'islam on n'a pas le droit de prendre pour esclave un autre musulman. Donc ils les prenaient et puis ils les vendaient aux Arabes après. Donc imaginez ces histoires, ce qui pourrait se passer. Mais il y a quelques rancœurs. Il y a des rancœurs énormes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces batailles entre des sédentaires, les cultivateurs et les nomades depuis toujours. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes éleveur, il faut bien que vos bêtes aient à boire et il faut bien que vos bêtes aient à manger. Donc elles s'approchent des champs. Et alors il y a des paysans sédentaires, c'est presque la même chose de dire ça, qui disent « Que puis-je faire quand j'ai des éleveurs qui arrivent ? Je peux simplement dire aux vaches qui arrivent « Bon appétit, mesdames les vaches ». Donc voyez ces questions-là. Mais si on va plus loin encore, on s'aperçoit que maintenant, cette grande bataille entre les sédentaires et les nomades, qui est vraiment la nuit des temps, c'est maintenant aussi une bataille de la modernité. Sauf que le progrès de l'humanité, ça a été plutôt vers la sédentarisation. Alors que maintenant, la plus grande des modernités, c'est les nomades. Et là, vous avez une ressemblance qui est très troublante et qui fascine tous les amis militaires avec qui je parle, les amis de renseignement, les amis d'Interpol, parce qu'évidemment, un roman comme celui-ci est un roman de l'enquête. C'est que vous avez une ressemblance extrême entre la mer, les déserts et Internet. Sur Internet, sur la mer, sur les déserts, vous n'avez pas de pays. Vous n'avez pas de frontières, vous n'avez pas d'ennemis, vous avez quoi ? Des pirates. Retour du grand balancier de la civilisation. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est C'est Amadou et Mariam sur Europe 1 avec un extrait de Beau Dimanche. Oui, alors, d'habitude, c'est en régie qu'on danse et là, c'est dans le studio aujourd'hui. Ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Chacun son tour. Vous n'avez pas fait que danser dans votre vie, évidemment, Éric Orsenna. À une époque, vous écriviez les discours du président Mitterrand et notamment un discours fondateur, celui de 1990 à La Baule. C'était une sorte de danse, vous savez, parce qu'il faut négocier avec ce qu'on peut dire, peut pas dire. Alors, et c'est évidemment le président François Mitterrand qui a refait tout le discours qu'il y a eu, mais enfin, la base, c'est vrai. Et si c'était à refaire, je mettrais pas seulement l'accent sur la politique. Parce que c'est vrai que la démocratie, c'est très important, surtout le respect des minorités, mais on peut très bien en faire une sorte de vitrine et puis en dessous continuer. Et que pour assurer la prospérité des peuples, il faut du développement économique, il faut de l'État, il faut de l'indépendance de la justice, il faut une police, il faut le développement d'un secteur privé. Donc, si c'était à refaire, je le compléterais, ça c'est sûr. Mais enfin, depuis ce moment-là, et j'étais conseiller auprès de Jean-Pierre Cotte, le ministre de la Coopération à l'époque, et donc j'ai beaucoup travaillé sur ces questions depuis toujours. Parce que j'ai vraiment l'impression que, je le disais il y a encore plus de 20 ans, quand j'ai fait un livre qui s'appelait « Besoin d'Afrique », et parce que, au fond, nous venons de là quand même. L'aventure humaine a commencé là. Et tout ça a duré, c'est compliqué. Et puis, maintenant, ça repart. Parce que nous ne parlons sans arrêt d'Afrique quand il y a des crises. Parce qu'il y a une tension au Mali, il y a des abominations en République centrafricaine, il y a d'autres abominations à l'est de la République du Congo, et puis il y a eu le drame épouvantable du Rwanda. Évidemment. Mais tout le reste, un peu partout en Afrique, se développe. Et on peut dire que, de manière générale, l'Afrique est bien partie. Et moi, quand j'étais jeune, il y avait un symbole même de la misère qui était l'Éthiopie. L'Éthiopie se développe à grande vitesse. Le Mozambique se développe aussi. Et il y a ce qui est très intéressant. Au Mozambique, donc ancienne colonie portugaise, comme en Angola, les autorités ont mis une barrière pour que les Portugais ne viennent pas trop nombreux. Imaginez, c'est-à-dire exactement le front renversé. C'est-à-dire, comme les Portugais ont des problèmes économiques, ils essayent de trouver une réponse où, dans les anciennes colonies. Donc, comme on voyait avec les nomades et les sédentaires, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de grand retournement de l'histoire. Et moi, c'est grand, parce que je suis un historien manqué. Donc, moi, ces grandes histoires comme ça, où le vous êtes un historien autrement, moi, je dirais. Oui, enfin, merci, mais quand même. Votre personnage, Madame Ba, avait fait déjà l'objet d'un roman il y a une dizaine d'années. Tout à fait. Alors on la voyait avec. Il faut raconter un peu en deux mots l'histoire avec son petit-fils. Il se trouve qu'à l'époque j'étais magistrat et donc au Conseil d'État et donc je jugeais de la légalité de certaines décisions administratives. Donc elle demandait un visa qu'on lui refusait, elle présente un recours et donc au lieu de présenter ce recours en deux pages, vous savez, le nom, prénom, sexe, etc. Et donc j'avais dit, bon, on va raconter son histoire sur 400 pages. Et donc Madame Ba, après toutes sortes d'épisodes, arrivait en France. Elle reste en France 10 ans. Et puis c'est en fond une femme politique. Donc la définition d'un homme ou d'une femme politique, c'est qu'elle a les oreilles avec une sorte de particularité, c'est-à-dire elle entend des voix. Comme une autre héroïne, hein, d'ailleurs. Comme Jeanne d'Arc, comme De Gaulle, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande. Enfin, franchement, quand vous êtes normaux, vous n'entendez pas des voix vous disant que vous pouvez être utile à votre pays. Comment se débarrasser de Jeanne d'Arc, écrivez-vous? Ce trop grand personnage ne quittait plus la tête de Madame Ba. La famille s'inquiétait. Qu'a-t-elle, notre grand-mère, à marmonner tout le temps, à parler d'un roi Charles VII, d'un évêque cochon et d'une guerre de 100 ans? En quoi elle nous concerne, ces très vieilles histoires de France? La Jeanne s'était installée en patronne dans le crâne de Madame Ba. Alors vous savez, c'est merveilleux quand on a un personnage, parce qu'une fois que vous avez créé un personnage, le personnage c'est une sorte de bateau. Et donc il, au fond, navigue pour vous. Et donc j'avais envie de redevenir une femme malienne, ce que je ne suis pas complètement, ni femme ni malienne. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans le Mali d'aujourd'hui. Et la bonne façon de comprendre, ça peut être évidemment des essais, des livres savants, des livres historiques, mais ça peut être aussi le roman. Le roman est un très bon vecteur, parce que d'un seul coup, on adhère, on est directement dans l'action. En plus, vous êtes divers narrateurs, tout ça est magnifiquement, évidemment, magnifiquement écrit. Et donc on est dans le rythme de cette femme qui revient en quelque sorte au pays et qui est choisie. Il faut expliquer ce qui lui arrive là dans ce Mali au Mali. Ben oui, parce que elle est choisie avec une sorte de rôle important, parce que c'est une femme qui est connue, c'est une ancienne institutrice qui choisit donc son petit-fils pour raconter l'histoire. Parce qu'elle est en pleine action, donc il faut que quelqu'un raconte son petit-fils, lequel petit-fils est un descendant d'une grande lignée, ce dont on parlait tout à l'heure, des griots. Et moi, je me sens vraiment griot, c'est-à-dire je suis un passeur, je suis un raconteur. Donc il raconte l'histoire de sa grand-mère. Donc la grand-mère, elle rencontre par exemple des réfugiés. Elle rencontre des femmes qui viennent du Nord. Et ces femmes, vous savez, quand vous voyez la vie des femmes de manière générale, qui mènent 14 ou 15 vies en même temps, et quand c'est une femme africaine qui mène encore des femmes et des vies terribles. Et je me souviens d'un moment où j'étais en mission pour l'UNICEF à Bamako, et nous avons vu arriver des femmes qui racontaient leur vie. Et qui avait été martyrisé par les gens venus du Nord, djihadistes et gangsters. Et je vous assure, on était 5 de l'UNICEF et moi. Il y avait 3 femmes, elles ont raconté leur vie, on pleurait. Et elles nous ont dit la fatigue. Et quand vous voyez une femme qui dit qu'elle est fatiguée, c'est rare. Mais une femme africaine qui dit qu'elle est fatiguée, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ce mot fatigue. Donc elle rencontre ces femmes, elle les aide, parce que il fallait voir ce que c'était pendant cette période. C'est-à-dire des gens qui à peine réussissent à vivre à Bamako, dans la grande précarité. Ils recevaient 50 personnes du Nord. Donc ils allaient mendier un peu partout, un peu d'huile, un peu de riz. Et puis j'ai vu évidemment les enquêtes de Madame Ba, parce qu'elle va dans ce camp militaire très étrange, où il y a eu un coup d'État, où ce sont les sergents qui demandent aux généraux de leur servir la bière. J'ai vu son enquête, parce que c'est en même temps une policière, donc elle mène les enquêtes sur la corruption, elle mène les enquêtes sur les trafics. Elle va elle-même être prise par les djihadistes. Alors, elle monte vers le nord, parce qu'elle veut savoir ce qui se passe à Tombouctou. Et alors, elle a deux épisodes un peu terribles à Tombouctou. D'abord, elle se fait choper par les djihadistes, parce que un de ses plans pour le Mali, c'est de développer l'éducation des femmes pour que les femmes aient moins d'enfants. Parce que le Niger et le Mali sont deux pays où la transition démographique, ce qu'on dit, n'est pas en train. C'est-à-dire, elles ont encore 7 enfants en moyenne par femme. Alors imaginez ce que c'est, donc quelles sont les perspectives pour des jeunes. Donc elle se fait choper par les djihadistes, premièrement, puis elle réussit à être libérée. Pourquoi? Parce que les Français arrivent. Donc elle se dit, parce qu'elle est très orgueilleuse cette femme-là, et elle pense que son heure de gloire est arrivée, que la presse internationale va se précipiter vers elle, et qu'elle aura des tas de d'émissions sur Europe 1, sur CNN, etc. Les aura-t-elle? Et non, parce que qui arrive à ce moment-là? François Hollande, qui évidemment tient la vedette. Et alors j'ai inventé une discussion, mais qui honnêtement est plus vraie que nature, parce que je sais ce que c'est qu'un homme d'État. Je connais François Hollande depuis longtemps, et Madame Ba, bien sûr, parce que c'est ma fille ou ma mère, je la connais. Et donc, qu'est-ce que fait François Hollande? Il pose la question à Madame Ba, il lui dit, mais donnez-moi une leçon de Mali, parce que au fond, je suis intervenu parce qu'il y avait le djihadisme, mais c'est quoi ce pays? Et Madame Ba, à Tombouctou, donne à François Hollande des leçons de Mali. Alors évidemment, les courtisans que je connais par cœur, parce que j'ai été l'un d'eux, sont totalement furieux. Et j'essaye de mêler, évidemment, la comédie, l'histoire, le drame. Parce que la leçon de Mali, c'est nous qui la prenons, évidemment. D'où viennent-ils tous ces djihadistes? Il y avait hier soir sur France 5 un double documentaire absolument passionnant de Vanessa Ratignier et Pierre Péan sur le rôle du Qatar dans la politique internationale. Et on se rendait compte justement de toutes les ramifications très complexes qui peuvent exister et qui expliquent fondamentalement tout ce qui se passe dans cette Afrique du Nord, depuis la Libye jusqu'au Mali. Alors, depuis longtemps maintenant, c'est donc la terre de tous les trafics. Il y a énormément d'argent parce qu'il y a des trafics d'otages, il y a des trafics de migrants, il y a des trafics de drogue, puisque la grande partie de la drogue qui vient de la Colombie et du Pérou passe par le Sénégal, la Guinée, enfin tout l'ouest de l'Afrique, et remonte. Donc il y a énormément d'argent. Il y a les faux médicaments, qui est un trafic extrêmement dangereux. Et puis, il y a les conséquences de l'intervention française en Libye. Parce qu'il y avait énormément de mercenaires qui travaillaient pour Kadhafi, qui était évidemment une horreur, mais qui ont été rejetés vers le sud avec des armements terribles. Et vous avez au sud de la Libye, c'est-à-dire la partie sud de la Libye, au sud d'une ville qui s'appelle Seba, dans une région qui s'appelle le Fezzan, vous avez là des gangsters absolus qui sont très riches à cause de tous ces trafics, et aussi Parce que le Qatar, qui veut mettre de l'argent partout, et pas seulement dans le PSG, met l'argent dans ces bandes-là. Donc ils ont énormément d'argent, ils peuvent intervenir n'importe où, et en une nuit, ils peuvent faire 800 kilomètres. Donc c'est un espace que l'on dit fluide, qui est extrêmement porteur de malfaisance. Mais alors comment des pays comme les nôtres, et là nous sommes aux franges de l'histoire et de l'actualité évidemment, comment des pays comme les pays d'Europe et notamment la France aujourd'hui peuvent-ils jouer un rôle et être efficaces dans un univers à ce point mouvant est totalement incernable. Alors c'est pas la France est intervenue parce qu'il n'y avait pas de force africaine suffisante. Donc il faut former premièrement. Mais l'important, c'est le développement de ces pays, c'est les perspectives pour les jeunes. Si moi j'étais un jeune malien avec aucune sorte de perspective, parce que l'université est ouverte un jour sur 10, parce que j'ai pas d'emploi après, je serai évidemment dans les trafics. Soit embauché par Acme, soit embauché par les trafics. Et il faut bien savoir que les trafics, c'est 95%. La part religieuse, c'est rien du tout. C'est vraiment des gangsters. Donc, il faut à la fois développer... C'est rien du tout, mais cette part religieuse, évidemment, elle sert d'enseigne. D'enseigne, de couverture, voilà, hein, évidemment. Le cheval de Troie, si l'on peut dire. Et puis, en même temps... Quand vous n'avez pas de perspective, eh bien, quand on vous dit que, allez, si vous mourrez, tant mieux, parce que vous allez gagner le paradis, eh bien, mieux vaut un paradis que rien du tout. Mais mieux vaut encore une bonne vie sur Terre qu'un illusoire paradis. Merci beaucoup. Éric Orsenna de l'Académie française, Mali au Mali. C'est le nouveau roman qu'il faut lire chez Stock pour comprendre ce qu'a été justement cette et ce qu'est encore cette intervention au Mali et toutes ces résonances. Et puis j'ai cité tout à l'heure Le rhinocéros d'or de François-Xavier Fauvel et Mars. Ça, c'est édité chez Alma. Et vous m'avez apporté un livre alors que je ne connais pas, mais je vous laisse le citer. Alors c'est un livre qui est difficile à connaître, mais qui vient de paraître, qui s'appelle Le Mali entre doute et espoir aux éditions Tombouctou. Vous pourrez trouver ça sur le net, et il y a vraiment 10 experts qui font le bilan de tout ce qu'on peut savoir sur cette partie nord du Mali. Vous m'avez appris une chose que je ne suis pas prêt d'oublier, Éric Orsenna, c'est que nous sommes tous des griots. C'était Salif Keita sur Europe 1 pour clore en beauté cette émission sur le Mali. Dans un instant, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Mathieu qui voudrait savoir pourquoi la semaine compte 7 jours. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Mathieu. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir pourquoi la semaine dure 7 jours et pas 10, comme dans le calendrier républicain. Mais figurez-vous que Mathieu a raison, parce que d'habitude, évidemment, lorsqu'on a créé les cycles pour essayer de se repérer dans le temps, on s'est appuyé sur des éléments concrets, sur notamment les cycles lunaires, les cycles solaires, etc. La Terre met 365 jours à faire un quart, à faire le tour du Soleil. Bon, ben, ça va faire une année. La Lune réalise un tour complet en 29 jours et demi. Ça fait 12 tours par an. Ben donc, on va séparer l'année en 12 mois. Enfin, tout ça, jusque-là, il y a un lien. Il y a quelque chose de concret. La semaine, eh bien, la semaine, c'est une création volontaire de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on regroupe les journées par 7 plutôt que par autre chose? Ben, je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de raison. Ça plonge ses racines dans la nuit des temps. C'est vrai que les révolutionnaires, avec leur système décimal, avaient décidé de faire autrement et qu'on avait des jours, 10 jours de la semaine en fait, qui finissaient par le décadie. Alors bon, ben, les jours, vous savez que le lundi, c'est le jour de la Lune, le mardi, celui de Mars, le mercredi, celui de Mercure, le jeudi, celui de Jupiter, le vendredi, le jour de Vénus, samedi le jour de Saturne, le jour du soleil c'était le dimanche, dies sol, qui est devenu le jour du Seigneur, le jour dominus, d'où le terme de dimanche. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne peux pas vous expliquer pour quelle raison on a choisi 7 jours plutôt que 8 ou 10. C'est une convention qui plonge dans la nuit des temps.